Orange, clémentine, citron, bergamote, pamplemousse. Ces noms évoquent sûrement chez vous quelques souvenirs. Ils sont peut-être associés dans votre esprit à une période de l'année, à une région du monde ou encore à une recette de cuisine. Avec leurs fleurs à l'odeur entêtante, leurs fruits colorés, gorgés de jus, au goût varié, mêlant subtilement sucre et acidité, les agrumes ont des charmes auxquels il est difficile de résister. Pas étonnant que les humains s'emploient depuis des millénaires à faire voyager ces fruits et les arbres qui les produisent à travers le monde. Mais où et quand sont apparus les premiers agrumes sur Terre? Comment ont-ils évolué pour arriver à l'immense diversité actuelle? Il existe aujourd'hui une multitude de variétés dont la plupart d'entre nous ignorons l'existence. Avez-vous déjà entendu parler des Kombawa, des Calamondins ou des Tangelo? Les liens de parenté entre ces innombrables variétés sont parfois difficiles à établir. Mais grâce à la génétique, les scientifiques commencent à y voir plus clair dans l'arbre généalogique de la grande famille des agrumes. C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité Franck Kurk, agronome et généticien à l'INRAE à Montpellier. Cet après-midi, il nous emmène pour un savoureux voyage sur la planète des agrumes. Vers 15h45, cap sur l'Antarctique avec l'exploratrice Laurence de la Ferrière qui viendra nous raconter sa toute dernière expédition sur le continent blanc. En deuxième heure, à 16h, nous nous interrogerons sur le passé et l'avenir de notre espèce avec le paléoanthropologue Pascal Pic. Et puis en toute fin d'émission, Françoise Sercollet, spécialiste des reptiles, nous racontera des histoires de serpents. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Tristan Gratalon et Guillaume Roux. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Je vais vous montrer quelques variétés un peu de citron un peu exceptionnelles qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors celui-ci, c'est un des plus beaux citrons et c'est un vrai citron, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire de par sa forme. Donc il a une peau très très épaisse pour un citron. Vous voyez, c'est quasiment la majorité du fruit. Alors ce qui est très très très très intéressant ici, c'est la partie blanche. Elle est comestible. C'est acidulé, c'est très doux, un petit goût citronné évidemment, mais c'est très rafraîchissant. Voilà, on a l'impression en fait de mâcher de la limonade. Bonjour Franck Kurk. Bonjour. Nous étions à l'instant en compagnie de quelqu'un que vous connaissez, François Lureau, chercheur à l'INRAE, dans un endroit que vous connaissez très bien. Il s'agit d'un immense verger situé à San Giuliano, en Corse, qui abrite une collection d'agrumes fabuleuses. Pendant 10 ans, vous avez été responsable de la gestion de ce site. Prenons le temps de décrire cet endroit qui a l'air incroyable. Alors, il y a une expression qu'on aime bien utiliser, c'est un jardin extraordinaire. Ouais. Et en fait, c'est réellement ça. Vous arrivez dans un verger, donc il faut s'imaginer des arbres alignés, plantés à côté les uns des autres. Et en fait, tous les 3 ou 4 arbres, vous avez une nouvelle variété d'agrumes. Et donc, il y a plus de 1000 variétés d'agrumes qui sont plantées dans ce verger. Et en se promenant, on peut avoir 3 orangers d'une variété, puis 3 orangers d'une autre variété, puis 3 kumquats, 3 pamplemoussiers, 3 clémentiniers. Et ainsi de suite, et en plein hiver, quand on a la chance de se promener dans ce verger, on a des couleurs, des goûts, des parfums différents toutes les 5 minutes. Ouais. La surface générale de ce verger expérimental? En verger dédié à la collection, il y a plus de 13 hectares. On se situe où exactement en Corse? Alors on est sur la plaine orientale de la Corse, grossièrement entre Moriani Plage et Aleria, et on est très proche de la mer, et on a la montagne en paysage en fond de verger, et en plein hiver, on peut avoir de la neige sur les sommets. Donc un bel oranger avec des fruits bien orangés et derrière des montagnes enneigées, c'est assez joli à voir. Alors donnez-nous des exemples des agrumes que l'on peut goûter, sentir quand on se promène dans ce verger et qu'ils sont mûrs. Alors on a des agrumes qui vont être très bons à goûter, très bons à manger, avec une grande diversité de variétés d'oranges, comme je vous ai dit, avec des oranges avec des parfums très prononcés oranges, très forts. Certains, on a l'impression même de manger des fruits avec des arômes artificiels tellement ils sont goûtus. Ensuite, on va avoir des fruits qui seront peut-être moins bons à manger, très acides, parfois astringents, mais qui ont des parfums extraordinaires. Il y a un agrume qui est peu connu et qui pourtant pousse à Paris. C'est le Poncirus trifoliata. C'est un arbre, comme son nom l'indique, qui a des feuilles trifoliées et qui perd ses feuilles en hiver, qui résiste au froid. C'est un agrume. Les fruits sont immangeables, mais si vous grattez le zeste, vous avez des parfums de fruits exotiques, de fruits de la passion qui se dégagent. Et puis on a des formes incroyables. Certains sont gigantesques. On n'imagine pas qu'un agrume puisse être aussi gros. Dans la collection, on a des fruits qui sont plus petits qu'une cerise, qui sont des agrumes, et d'autres qui atteignent le diamètre d'un ballon de football. tout est mangeable dans un agrume qui fait la taille d'un ballon de football. Alors, c'est en fait les plus gros agrumes que l'on connaît, ce sont des pamplemousses, mais le vrai pamplemousse, hein, pas le pomelo que l'on consomme, ouais, c'est un fruit d'origine asiatique. Et en effet, il peut avoir une peau très épaisse. Une fois épluché, le fruit est un peu plus petit, mais oui, ils sont mangeables. On va détacher les quartiers, enlever la petite peau qui enveloppe les quartiers et manger les vésicules à jus, les petits poils succulents qui contiennent le jus chez les agrumes et que l'on peut mélanger une salade de crabe par exemple ou une salade de tomate ou manger frais comme ça. Au Vietnam, on vous les sert complètement pelés avec un peu de piment. Vous nous mettez déjà l'eau à la bouche. Hein, avec, dès qu'on parle d'agrumes, forcément, les papilles sont en éveil. Et il existe beaucoup d'agrumes aux noms peu connus. Hein, je citais le kombawa, il y a le citron ichang, le tangelo, le calamondin. Toutes ces espèces, d'où viennent-elles? Alors, la majorité des agrumes viennent du sud-est asiatique, donc avec des noms parfois assez exotiques. Mais après, vous avez cité des noms qui nous donnent des informations sur leurs origines. Ouais. Par exemple, le tangelo, en fait, c'est un hybride entre la mandarine et le pomelo. Parce que les premières mandarines qui sont arrivées aux États-Unis venaient de la ville de Tanger, d'où le nom anglais de tangerine. Et donc, l'hybride entre la tangerine et le pomelo, c'est le tangelo. L'hybride entre la mandarine et l'orange, c'est le tangor. Alors, on y reviendra, hein, parce qu'en plus, vous avez fait des études génétiques pour essayer d'y voir plus clair dans cet arbre généalogique et dans ces liens de parenté qui lient toutes ces espèces, toutes ces variétés. On ne sait pas trop s'il faut parler d'espèces ou de variétés, en l'occurrence. On a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a différentes espèces, différentes variétés, différents hybrides, des hybrides élevés au rang d'espèces, donc c'est très complexe chez les agrumes. Quel est le point commun de tous ces agrumes? Quelles caractéristiques spécifiques faut-il avoir pour être un agrume? Alors c'est la question que je pose aux collégiens ou aux scolaires quand je les rencontre en leur demandant quels sont les éléments qui font que je vais classer un fruit dans le groupe des agrumes ou pas. Alors il y en a plusieurs. Le premier, c'est les glandes à huile essentielle du zeste. Les agrumes font partie des rutacées, des plantes à glandes à huile essentielle. Donc ça se trouve dans la peau. Sur le zeste, sur la peau. Les glandes à huile essentielle chez les agrumes sont présentes sur le zeste extérieur, sur la peau, mais également dans les feuilles et dans les fleurs. Et puis l'autre caractéristique vraiment propre des agrumes, c'est l'organisation en quartiers. Mais ces quartiers enveloppés de ce tégument et à l'intérieur avec des petits sacs à jus ou les poils succulents qui font que on va avoir ce jus bien conservé. Donc l'organisation en quartiers et les glandes à huile essentielle donnent le droit d'être classé dans les agrumes si un fruit a ces caractéristiques. Ce sont les caractéristiques qu'il faut avoir impérativement. Quand et dans quelle région du globe sont apparus les premiers agrumes? Alors, les premiers agrumes sont apparus en Asie du Sud-Est. Alors, globalement, la Chine, et puis tout le sud de la Chine jusqu'à l'Australie, puisqu'il y a des agrumes endémiques sauvages australiens. C'est vraiment la zone d'origine des agrumes. On imagine une première diversification il y a à peu près 8 millions d'années. Mais il faut savoir qu'en Chine, par exemple, les oranges étaient déjà cultivées plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait moins de 4000 ans. Oui, c'est ça. Plus de 4000 ans, on cultivait déjà l'orange. Alors qu'elle n'arrive en Europe qu'au 15e, 16e siècle, beaucoup plus tard. Mais pendant des millions d'années, ces agrumes ont évolué sans que les hommes n'interviennent, sans que les hommes ne les cultivent. C'est avant tout des mélanges, des hybridations naturelles qui ont conduit à l'évolution de ces agrumes. Une grande partie de la diversité des agrumes qu'on consomme et qu'on connaît aujourd'hui sont des hybrides naturels. Tout à fait, ils sont nés de croisements naturels entre la fleur d'une variété, le pollen d'une autre, le travail des abeilles ou un peu du vent. Et on a eu cette diversité qui, en revanche, est arrivée jusqu'à nous par le travail de l'homme, puisque certaines variétés ont été multipliées à l'identique pour les avoir jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elles avaient un intérêt soit culinaire, soit pour le parfum, soit pour la cosmétique, soit tout simplement pour l'ornement. Et ce qui est sûr, c'est que si on trouve aujourd'hui des agrumes sur tous les continents, là, l'homme y est pour quelque chose, les humains ont fait voyager, et pas qu'un peu, tous ces arbres, ces agrumes, parce qu'ils sont sous le charme, en fait. Hein. C'est exactement ça, c'est vraiment sous le charme, mais sous le charme, les agrumes vont commencer à voyager parce qu'ils sentent bon, parce qu'ils sont beaux et pour leur côté donc ornemental plus que gustatif. Et par exemple, le premier agrume qui arrive en Méditerranée, c'est le cédrat en 300 avant Jésus-Christ. Donc depuis les contreforts de l'Himalaya entre la Chine et l'Inde, il va arriver en Mésopotamie en 600 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand arrive là-bas et il meurt en Mésopotamie, mais Théophraste, qui était un botaniste grec qui était avec lui, revient en Grèce en 300 avant Jésus-Christ et écrit la première description du cédrat. Et le cédrat, il était, à l'époque, en tous les cas, utilisé pour son parfum, pour ses propriétés pharmaceutiques, pas forcément pour son goût, parce qu'un cédrat frais, il n'est pas vraiment mangeable. Et ensuite, il a été adopté par les populations juives, qui l'utilisent encore aujourd'hui lors de la fête des tabernacles. Et cette population juive a diffusé le cédrat dans tout le bassin méditerranéen, justement pour ses qualités ornementales, olfactives et médicinales. Ouais. Et puis on a aussi assez rapidement compris les vertus en termes d'alimentation que pouvaient avoir ces fruits, notamment au moment des grandes découvertes, quand les Européens ont décidé de partir à la conquête du monde à bord de leur bateau. Il était très fréquent d'emmener avec soi ces agrumes, de planter dans les ports des agrumes pour lutter contre les maladies. Le continent américain, par exemple, a été colonisé par les agrumes grâce aux navigateurs qui les emportaient dans les cales de bateaux. Alors, il y avait toute une série de types d'agrumes à peau bien épaisse qui se conservaient longtemps. Et ils faisaient ça bien avant qu'on se rende compte, finalement, que la vitamine C permettait de lutter contre le scorbut. Mmh. Et quand on s'en est rendu compte, ça a été encore plus utilisé. Ouais, et en effet, les navigateurs hollandais, portugais ou espagnols ont fait voyager les agrumes jusque sur le continent américain ou en Polynésie, par exemple. C'est comme ça que les orangers sont arrivés au Brésil. Aujourd'hui, il y a une grande production d'oranges au Brésil. Le Brésil et les États-Unis font partie des plus gros producteurs d'oranges avec la Chine aujourd'hui. Oui. Odeur de fleurs d'oranger, goût sucré et acidulé, nous partons à la découverte des agrumes et de leur histoire. Avec le généticien et agronome Franck Kurk cet après-midi, du vent dans les synapses et dans les branches des orangers sur France Inter. Vous sortez votre couteau, vous ouvrez la lame, il va vraiment se passer quelque chose. La lame mord dans la peau de l'orange, fait gicler un peu d'essence, une fine vapeur acide, fraîche sur la peau des doigts et brûlante aux yeux. Jean-Marie Le Clézieux. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades. Jusqu'à Terry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter. Un oranger, buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer, lorsque la pierre et l'amitié et la musique nous feront chanter. Tuez vos dieux à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés, font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. C'était la balade nord-irlandaise de Renaud. France Inter. Du vent dans les synapses. Toutes les oranges sont douces ou aigres douces, c'est-à-dire mêlées d'aigreur et de douceur. Les aigres sont pour les sauces, les autres sont pour manger cru, ainsi que d'autres fruits. Dans la première classe, il y en a de douceâtres, et pour ainsi dire, fades. Les meilleures des douces sont les oranges de Portugal, et celles d'une autre sorte, de grosses oranges à écorce fine, qui viennent des Indes. Les petits orangers de la Chine sont aussi fort agréables. Dans la classe des oranges aigres, les bigarades sont les meilleures, les plus belles et les plus considérables. Celles des orangers qu'on appelle riches dépouilles et celles des orangers communs, soit greffés, soit sauvages, sont aussi fort bonnes. Un texte de Jean-Baptiste de la Quintigny, célèbre agronome nommé en son temps par Louis XIV, directeur des jardins fruitiers et potagers de toutes les maisons royales. Il a joué un rôle majeur à Versailles. La lecture était extraite de l'émission Bouche à oreille de France Culture en 2002. Franck Kirk est notre invité. Qu'est-ce que l'agronome spécialiste des agrumes que vous êtes pense de la description de la Quintigny ? Alors, elle est touchante. Elle est touchante parce qu'en fait, ce sont les ancêtres de la recherche française sur les agrumes, puisque l'une des premières collections d'agrumes de France, c'est bien la collection du château de Versailles, de l'orangerie du château de Versailles, de Louis XIV, et qui, en fait, invente des serres pour pouvoir avoir des plantes relativement exotiques, qui venaient essentiellement d'Italie et d'Asie, comme on a pu l'entendre, et avoir sa petite collection. Donc c'est très touchant, et en plus on se rend compte, parce qu'on a la chance d'être en contact avec l'orangerie de Versailles, et d'essayer de réfléchir et de donner des informations sur les anciennes listes de cette collection, essayer de retrouver à quoi correspondent ces anciens noms par rapport aux nouvelles variétés. On l'a entendu à l'époque, tout s'appelle orange. L'oranger de Chine, l'oranger aigre, l'oranger doux. Et en fait, aujourd'hui, on a réussi à faire un peu le tri entre l'orange douce, l'orange sans acidité, l'orange blonde, la bigarade, qui est l'orange amère, mais aussi peut-être le kumquat, le calamondin, des choses qui étaient déjà présentes dans les collections, des pamplemousses qui étaient présentes dans la collection de Louis XIV. Ce qu'on appelait les orangeries, finalement, abritaient une diversité d'agrumes bien plus importante que simplement des oranges. Exactement. Il y avait une diversité assez extraordinaire qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines listes un peu perdues. Et on essaye même aujourd'hui de retrouver de cette diversité qui était présente sous Louis XIV et qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui, dans la collection de San Giuliano en Corse. Tout se mangeait dans les orangeries royales ? Alors non, pas forcément. L'objectif était d'avoir une grande diversité de formes, de couleurs, de parfums. Et tout ne se mangeait pas forcément. L'objectif était d'avoir de beaux arbres d'ornement. Et en fait, cette grande diversité qui existait à cette époque-là a commencé à disparaître le jour où on s'est vraiment intéressé à la culture des agrumes en Europe pour les consommer. Et à partir du moment où on les a cultivés pour les manger, on s'est limité aux oranges, citrons et mandarines, ensuite clémentines. Et on a perdu une grande diversité de variétés ornementales qui, aujourd'hui, n'auraient pas un intérêt commercial alimentaire, mais qui auraient peut-être d'autres intérêts cosmétiques, pharmaceutiques ou de résistance à certaines maladies. Et c'est ce qu'on essaie de retrouver dans le centre de ressources biologiques citrus de l'INRAE à San Giuliano pour avoir la plus grande diversité génétique possible. Alors, essayons de nous y retrouver un petit peu dans cette famille. L'orange, c'est déjà un hybride. Quels sont les parents de l'orange ? Alors, l'orange est un hybride naturel, mais on n'a pas retrouvé ses vrais parents, en fait. On sait que le papa de l'orange, c'est une mandarine qui a un peu de pamplemousse dans son ADN, et la maman de l'orange, c'est un pamplemousse qui a un peu de mandarine dans son ADN. Donc, c'est pas un hybride entre deux ancêtres purs. Alors que l'orange amère, la bigarade, elle est un hybride direct entre la mandarine sauvage et le vrai pamplemousse. Tous ces croisements se sont opérés complètement par hasard et on a une idée, ça s'est fait il y a combien de milliers d'années, centaines de milliers d'années, millions d'années peut-être ? La diversification, elle commence à peu près il y a 8 millions d'années et ensuite un peu moins. On ne date pas forcément l'hybridation qui a donné naissance à la bigarade ou à l'orange. En revanche, ce que l'on sait, c'est que, pour prendre le cas de la bigarade, l'orange amère, qui est donc née d'une hybridation, donc d'un pollen de mandarinier sauvage qui est arrivé sur une fleur de pamplemoussier. Ce pamplemoussier a donné un pamplemousse. La pollinisation n'a pas changé la nature du fruit. Un pamplemousse qui a eu des pépins et de ce pépin est issu un arbre qui est le bigaradier qu'on connaît aujourd'hui. Et depuis cette hybridation et la naissance de cet arbre à partir d'un petit pépin, le bigaradier est arrivé jusqu'à nous par clonage naturel. En fait, le bigaradier, si vous plantez des pépins de bigarade, vous avez 99 chances sur 100 d'avoir un arbre qui est exactement identique à l'arbre sur lequel vous avez pris le fruit. Donc le bigaradier se multiplie à l'identique lui-même naturellement, juste par semis. Alors après, on peut, nous, en tant qu'humains, le cloner également par la bouture ou le greffage. La bouture et le greffage, ce sont des techniques de clonage, de multiplication dite végétative. Donc on a encore un peu de mal à dater les hybridations naturelles qui ont donné naissance à cette diversité, mais en revanche, ce qu'on sait, c'est comment elles sont arrivées jusqu'à nous. Alors en cultivant des espèces d'agrumes différentes à proximité les unes des autres, eh bien les humains ont favorisé ensuite des croisements. C'est ainsi qu'un jour, vers la fin du 19e siècle, dans un orphelinat de la région d'Oran, en Algérie... Oh, arrêtez de chahuter, s'il vous plaît, arrêtez. Louise, viens ici. Qu'est-ce que tu as dans la main? Mais j'ai rien. Tu veux bien ne pas mentir, s'il te plaît? Donne-moi ça, tu sais bien qu'on n'a pas le droit de cueillir les fruits. Où as-tu trouvé cette mandarine? Ben, là-bas, dans le jardin, il y en a plein par terre. Par terre? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est même pas mûre, regarde, elle est à moitié verte. C'est pas la saison des mandarines. En ce moment, elles sont trop acides. Si tu la manges, tu vas attraper mal au ventre. Mais je vous assure, frère Clément, elle est très bonne. Ouais, c'est ça. Allez, donne-la-moi, va jouer. Elle est bizarre, cette mandarine. Mais quel goût, c'est bien. La première fois que je découvre une mandarine déjà mûre avant Noël. Oh, le créateur fait des merveilles. Bizarre quand même. Louise! Tu m'accompagnes dans le jardin et tu vas me montrer à quel endroit tu l'as trouvée. Où exactement, sous quel arbre? Et voilà comment le père Clément a découvert le premier clémentinier assez récemment, hein, finalement, dans cette longue histoire des agrumes, Frank Kirk. Alors là, c'était un extrait de l'émission Au fil de l'histoire de Stéphanie Duncan en 2012. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé ou là, c'est romancé? C'est comme ça que ça m'a été raconté par les arrière-petits-enfants, non pas du père Clément, mais du professeur Trabu, qui est le scientifique qui a écrit le premier article qui décrit la clémentine et qui a été publié en 1902. Donc ce qu'on vient d'écouter, a priori, ce serait vraiment passé à la fin du 19e. Ouais. Et donc, on aurait dû appeler la clémentine, non pas clémentine dans l'honneur du père Clément, mais enfantine dans l'honneur des enfants qui ont fait ce travail de sélection. Ouais. Alors, de quel croisement la clémentine est-elle issue? Parce qu'il y avait plusieurs agrumes dans ce verger du père Clément. Est-ce qu'on a tout de suite compris comment était né le premier clémentinier? Non, beaucoup de chercheurs se sont posé la question pendant plusieurs années. En fait, il y avait trois hypothèses. Une, c'est le père Clément qui a pris du pollen d'une variété qu'il a mis sur une fleur de mandarinier pour faire de nouveaux hybrides. Autre, c'est une hybridation naturelle, c'est une fleur de mandarinier qui aurait été pollinisée naturellement par un pollen. Et une autre théorie qui disait que la clémentine, en fait, était une mandarine chinoise qui existait en Chine et qui avait été importée en Algérie. Il a fallu des analyses génétiques pour trancher le débat, finalement. Et en fait, des chercheurs, dont François Lureau, qu'on a entendu en début d'émission, ont fait des travaux génétiques pour déterminer les réels parents de la clémentine et finalement décider de son origine. Donc la clémentine génétiquement est un hybride naturel entre le mandarinier commun ou mandarine de Blida pour ceux qui la connaissent, cette mandarine pleine de pépins très parfumée qui est sa maman, pollinisée par du pollen d'orange, mais d'orange douce. On pensait que c'était l'orange amère, non, c'est bien l'orange douce qui l'aurait pollinisée. L'orange, donc vous nous avez dit qu'elle possédait elle-même une partie du génome des mandariniers. Donc c'est en permanence en train de se réinjecter des gènes. Hein, Complètement. La mandarine maman de la clémentine est une mandarine qui elle-même avait déjà un peu de pamplemousse dans son ADN. Ouais. L'orange, c'est mandarine pamplemousse. Donc on a remélangé le pool génétique mandarine pamplemousse pour obtenir ce fruit extraordinaire qu'est la clémentine. Ouais. Alors la clémentine est célèbre pour son absence de pépins. Est-ce qu'elle ne fait vraiment jamais de pépins, la clémentine? Et non, en fait, la clémentine n'est pas stérile, elle peut avoir des pépins. Elle est juste auto-incompatible, c'est-à-dire que du pollen de clémentinier sur une fleur de clémentinier, ça ne marche pas, mais on a quand même un fruit sans pépins. Donc si vous avez des vergers de clémentinier à perte de vue, sans pollen d'un autre agrume, vous aurez des clémentines sans pépins. En revanche, si vous avez un voisin qui a planté un mandarinier ou un citronnier, ou un oranger à pépins, là vous allez avoir des croisements avec le pollen et vous aurez des clémentines, mais avec pépins. Donc, pour avoir une clémentine avec des pépins, il faut qu'elle se soit croisée avec un autre agrume qu'un clémentinier. Et autrement dit, si on plante le pépin d'une clémentine, on n'a aucune chance d'obtenir un clémentinier. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire à chaque pépin que vous trouvez dans une clémentine, vous obtenez une variété différente. C'est la surprise. C'est la surprise, alors que la mandarine qui était sa maman... C'est pour ça que le père Clément plantait des pépins de mandarine. Là, à chaque fois que vous plantez un pépin de mandarinier, vous avez 99 chances sur 100 d'avoir un mandarinier. Ouais. C'est pour ça que le père Clément plantait des pépins de mandarinier pour avoir des mandariniers. Sauf que j'ai dit 99%, donc il y a 1% de chance des fois d'avoir des hybrides. Et c'est ce qu'a eu le père Clément pour découvrir la clémentine. Ouais. Alors que dès qu'on plante un pépin de clémentinier, là, en revanche, on a toujours un hybride. Ouais. Et alors, ça veut dire que même il ne suffit pas de croiser un mandarinier avec un oranger pour obtenir un clémentinier. Alors, si on vous a très peu de chances de réobtenir la même chose. Aucune chance du point de vue génétique, puisque si vous reprenez exactement les mêmes parents que la clémentine, vous obtiendrez des frères et des sœurs de la clémentine, mais pas des jumeaux. Eh oui. Alors comment on fait pour avoir tous ces clémentines à la surface du globe, puisqu'ils ne peuvent pas se reproduire tout seuls avec leurs pépins et qu'on ne peut pas recroiser leurs parents pour obtenir le même clémentinier? La belle histoire, c'est que tous les clémentiniers de la variété du père Clément qui sont aujourd'hui cultivés dans le monde, sont clonés à partir du premier arbre du père Clément par greffage successif. C'est-à-dire que tous les clémentiniers sont des greffons qui ont été pris au départ de cet unique arbre du père Clément, On a pris des greffons que l'on a greffés sur des porte-greffes pour obtenir d'autres arbres. Sur ces arbres, on a repris des greffons et ainsi de suite. Aujourd'hui, tous les clémentiniers qu'on cultive dans le monde sont issus de ce seul et unique arbre du père Clément. Ça veut dire qu'ils ont tous exactement le même génome? Ce sont tous des clones? À la mutation près. C'est ça, en fait. Ouais. Ce qui se passe, c'est que oui, ce sont tous des clones, mais aujourd'hui, on a de la clémentine et on a, par exemple, dans la collection de Saint-Julien, on a 80 clones de clémentiniers différents. Alors, clones différents, c'est un peu bizarre. En fait, ils ont été multipliés par voie clonale, le greffage. En revanche, ils ont des petites différences liées à des mutations que l'homme sélectionne parce qu'elle va mûrir plus tôt, parce que le fruit va être plus gros, parce qu'il va mûrir plus tard, parce qu'il va mieux se colorier ou plus acide. Et donc là, on va sélectionner des mutations, mais il n'y a plus de croisement sexué. C'est uniquement de la mutation. Ouais, et de la mutation qui se fait totalement au hasard. Là mutation encore, naturelle, ouais. Mais sélectionnée par l'homme. Qu'est-ce qui fait la spécificité alors des clémentines de Corse, qui sont très bonnes, dont on s'est régalé pendant le début de l'hiver? Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Le terroir. En fait, les agrumes sont très sensibles au terroir. Alors le terroir, c'est une plante dans un type de sol, avec un type de climat et un savoir-faire. Il y a l'homme dans le terroir. Ouais. Et donc la clémentine de Corse, la Corse s'est vraiment spécialisée dans la clémentine. Il y a un réel savoir-faire qui a été mis en place. Et on a un climat particulier qui fait que l'on a des étés relativement chauds, mais des hivers plutôt doux. Un froid qui arrive quand il faut, une belle coloration. Et finalement, on a un petit fruit acidulé qui se différencie un petit peu des fruits qu'on peut avoir en Espagne ou en Afrique du Nord. Ils sont pas meilleurs, ils sont légèrement différents. Autrement dit, le goût de ces agrumes n'a pas évolué uniquement en fonction des croisements et en fonction des mutations, mais aussi du terroir et du climat dans lesquels on les a transplantés. Complètement. Il y a des agrumes qui vont être adaptés à certaines zones géographiques par rapport au climat, aux températures et aux techniques, et d'autres qui seront moins adaptés. Par exemple, le bassin méditerranéen, au nord, on va plus être adapté aux clémentines oranges, au sud, ça va être les oranges, voire pomelo. Les pays tropicaux sont plus adaptés aux pamplemousses ou pomelo, et moins à la clémentine. Mmh. Et puis, vous avez des microclimats très intéressants pour le citron à Menton, par exemple. Ouais, citron de Menton, une des rares IGP en France. Exact. Ou la Maltèse de Tunisie, dans le Cap Bon, en Tunisie, ou encore le pamplemousse de Tahiti, qui est un des rares pamplemousses qui est tellement juteux que l'on arrive à faire du jus avec, alors que tous les jus de pamplemousse que vous buvez normalement sont faits avec du jus de pomelo, alors qu'à Tahiti c'est vraiment le vrai pamplemousse et c'est une variété extraordinaire. Alors vous avez fait une grande étude avec des collègues, hein, pas tout seul, mais c'était en 2018, c'est sorti dans la revue Nature, et enfin on comprenait un peu mieux le grand arbre généalogique des agrumes. Qu'est-ce que vous avez compris grâce à ces nombreuses analyses génétiques que vous avez réalisées? Il y avait plusieurs objectifs, essayer de comprendre l'origine de ces variétés cultivées et de comprendre la biologie de la reproduction chez les agrumes. Ouais. Et donc on a découvert par exemple que chez les mandarines que l'on consomme, il y a très peu de mandarines dites pures. C'est-à-dire que l'essentiel des mandarines que l'on consomme ont un peu de pamplemousse dans leur ADN. Donc on considère que les mandarines sont devenues comestibles le jour où elles ont rencontré un peu de pamplemousse. On a aussi découvert de nouveaux embranchements pour des agrumes un peu plus éloignés de ceux que l'on connaît, les agrumes australiens, les microcitrus notamment. On a compris une certaine organisation qui, pour certaines variétés, était connue, pour d'autres un peu floue. Mais il faut savoir qu'on continue à travailler dessus, en fait, en ajoutant de la diversité. Et là, on est en train de travailler notamment sur, justement, refaire cet arbre généalogique, mais avec des variétés encore plus diverses, et notamment, par exemple, des variétés endémiques de Nouvelle-Calédonie, les Oxantera, qui sont relativement proches des agrumes et que l'on utilise pour mieux comprendre l'origine des agrumes. Ouais. Endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve que là? Les Oxantera, on ne les trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, ouais. Absolument. Et elles sont arrivées là comment? À quel moment? On le sait? C'est la question qu'on se pose. C'est ça. Il y a encore énormément de mystères sur cette immense famille. Puis on imagine que toutes les combinaisons, ça peut se combiner à l'infini finalement. Il peut y avoir une infinité de variétés potentiellement. C'est ce qui rend fou les taxonomistes. Oui. Ceux qui font les classifications. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les agrumes, il y a 3 classifications qui sont utilisées, avec des noms différents pour une même et seule variété. Tout simplement parce qu'il y a tellement d'hybrides, tellement de recroisements, que si on n'a pas l'information, on peut élever au rang d'espèce un hybride. C'est le cas de la clémentine, qui pour certains taxonomistes s'appelle Citrus clementina, une espèce à part entière, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est un hybride. Dans un instant, nous allons nous intéresser avec notre invité, le généticien et agronome Franck Kurk, à des agrumes plus atypiques, comme le citron caviar, très prisé des gastronomes. C'était Métronomie qui chantait The Light et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. France Inter. Du vent dans les synapses. Ah tiens, on va aller là. Parce que justement, je voudrais qu'on refasse un peu notre carte sur les produits, sur les agrumes exotiques. C'est un kumbawa, un citron vert asiatique que l'on trouve à une cinquantaine d'euros le kilo. C'est un produit qui est assez beau, qui est très rugueux et qui en même temps était plutôt doux. Et quand on va le choisir relativement ferme et en même temps, en grattant à peine, mais en grattant mais à peine, on a toutes les saveurs qui vont arriver au nez et on retrouve complètement cette odeur qu'on a dans la nourriture thaï, par exemple. Et la bergamote, c'est dans le thé, évidemment, le thé à la bergamote. Tout le monde connaît ça. Vous en avez des citrons caviar ? On va voir le citron caviar. Allez-y, ce que vous m'avez demandé. Bon, le citron caviar, c'est un truc de dingue. Ça vaut la peau du cul. Il a le prix du caviar, il a le goût du citron. Et alors, quand vous prenez en bouche, des petites billes qui éclatent tout à coup, vous avez toute la saveur qui prend toute la bouche. Nous étions dans les allées du marché de Rungis avec un ancien habitué des lieux, Renaud Paquin. Nous étions début 2018. Franck Kurk, agronome et généticien à l'INRAE de Montpellier, spécialiste des agrumes. Il ressemble à quoi le citron caviar ? Il y a plusieurs variétés, mais globalement, c'est une sorte de gros cornichon. Et quand vous le coupez, vous avez justement les quartiers qui apparaissent. Et les petits sacs à jus, en fait, sont sous la forme de petites billes qui ressemblent à des œufs de caviar. Et donc, c'est vrai que, comme on l'entendait, ce sont des petites billes qui croquent sous la dent et qui dégagent un liquide très acide, ouais. D'où leur nom de citron ou de lime digitée d'Australie également. Et c'est vrai que ça a un parfum particulier. Alors, ça s'appelle citron caviar, c'est très à la mode. En revanche, c'est pas forcément mon agrume préféré. Je trouve même que ça a un petit arrière-goût d'essence de térébenthine. Ah oui, ah, vous le vendez mal. Ouais, non, c'est pas mon préféré. Et en plus, l'arbre est une sorte de buisson épineux avec les fruits qui tombent à maturité. C'est même pas très agréable de l'avoir dans son jardin. Je suis désolé, je le vends pas très bien. Ouais. Mais c'est vrai que tout le monde parle du citron caviar plus pour son nom que... pour l'arbre ou le fruit, ouais. Même si je reconnais que dans un dessert très sucré ou sur un poisson, ces petites billes apportent quelque chose. Il est quand même très prisé, alors c'est peut-être un effet de mode, mais dans la gastronomie, hein, par les chefs étoilés actuellement, d'ailleurs, dans le livre Agrumes, très beau livre, hein, publié aux éditions La Maison, dans lequel vous avez écrit quelques textes avec d'autres membres du Conservatoire des Agrumes de San Giuliano en Corse, coécrit avec Anne-Sophie Pic, chef étoilée, elle en parle de ce citron caviar comme quelque chose de très précieux, elle donne des recettes à faire avec. Mais alors, il est présenté dans le livre comme un agrume de genre apparenté, c'est-à-dire que c'est pas réellement un agrume. Alors, c'est un agrume et c'est un genre botanique qui est relativement différent des citrus, du genre citrus, mais c'est un agrume à part entière et c'est un agrume sauvage australien, adapté au désert australien, qui est rentré depuis peu dans toute la culture que l'on appelle en Australie native food, mise en valeur en fait hein, des populations aborigènes. Et en fait, ce fruit est arrivé en Europe et a vraiment eu beaucoup de succès. Et c'est vrai qu'il est aujourd'hui très à la mode. Les prix étaient très élevés. Il commence à baisser un petit peu. Ouais. Mais par rapport à une clémentine où, quand c'est la saison, j'en mange plus d'un kilo par jour, ouais. Des citrons caviar, je dois en utiliser un par an. Ouais. Ah oui, d'accord. Bah déjà, c'est beaucoup parce que je crois que je n'ai jamais goûté de citron caviar, pour vous faire un aveu. J'ai mes filières. Très bien. Ouais. Bah alors, on reste en contact. Alors aujourd'hui, les agrumes sont présents dans de très nombreuses cuisines à travers le monde. Hein, pas uniquement dans celles des chefs étoilés auxquels nous faisions référence. Ils sont indissociables, par exemple, de la cuisine méditerranéenne. L'agrume, même, on va même aller plus loin, l'agrume qui est le symbole réel de la Méditerranée où on va retrouver dans toutes les recettes de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud de la Méditerranée, c'est le citron jaune. C'est vraiment l'élément commun de la cuisine espagnole, corse, italienne, libanaise, marocaine ou provençale. On va retrouver ce citron partout. Et en fait, nos études génétiques semblent montrer que ce citron jaune serait plutôt né en Méditerranée, alors un peu à l'est de la Méditerranée, mais en Méditerranée, où les deux premiers agrumes qui sont arrivés étaient le cédrat et la bigarade. Et le citron jaune est un hybride naturel entre cédrat et bigarade, les deux premiers agrumes arrivés en Méditerranée. Alors, le cédrat, justement, il a connu ses heures de gloire hein, en Corse au 19e siècle. Aujourd'hui, il est un peu tombé dans l'oubli, mais certains essaient de remettre cette culture au goût du jour, à l'image de Xavier Calizzi sur l'île de Beauté. Là, il y a les arbousiers, la myrte, la bruyère qui avaient repris ses droits. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on a démaquisé de manière à pouvoir remettre les terrains en terrasse comme ils étaient avant, avec des petits arbres là qui commencent à repousser. Le cédra est originaire du sud-est de l'Himalaya, en fait. Et il a été introduit par Alexandre le Grand, qui, lui, l'a ramené de Perse. Et sa mutation au niveau corse a fait que c'est le seul cédra, puisqu'il existe une quinzaine de variétés, qui a la pulpe douce et qui a une fleur blanche. Attention au piquant, hein. Tu as vu qu'il y a beaucoup de piquant. Il est vert clair, vert foncé, vert clair, tu vois, il commence à tourner. Celui-là, par rapport à sa taille, on peut le cueillir. Il est un peu plus gros que les autres. Hein. Tu le prends, tu mets un quart de tour, et il va venir tout seul. Vas-y. Voilà, allez, comme ça c'est bon. On devient amoureux de ce fruit, on devient amoureux de cet arbre, c'est passionnant. Voilà des fruits. On a beaucoup de caisses. Ah, il y a quelques-unes. Le cédra, c'est un peu une pierre, hein. Donc il est très très dur et il a beaucoup d'amertume. Là, le principe, c'est de le mettre dans le lavoir et à l'eau courante pour que ça lui enlève l'amertume. Un extrait d'un reportage du Trésor de France 2 diffusé en 2016. Alors, à quoi ressemble-t-il ce cédra? On en a eu un léger aperçu. Décrivez-le nous, Franck. Alors, le cédra de Corse, hein, c'est un gros fruit, un très gros citron. Il peut peser jusqu'à plus de 1 kg, 1,5 kg. Ah, oui. J'en ai pesé jusqu'à ces poids-là. Il est jaune verdâtre ou très jaune quand il est très mûr. Il est très dur. Ouais, c'est ce qu'il me disait, dur comme une pierre. Hein. Pratiquement pas de jus. Ouais. Un peu rugueux parfois, il peut être un peu lisse, un peu rugueux. En fait, la caractéristique, notamment justement du cédra de Corse, c'est que les fruits sont très irréguliers. Par rapport à un cédra diamante et italien, où les fruits ont vraiment tous la même forme d'obus, le cédra de Corse, lui, peut être rond, allongé, bosselé. Ça peut se consommer confit pour justement le... Traditionnellement, le cédra de Corse était utilisé pour le fruit confit. C'était le fruit confit qu'on retrouvait dans les panettones italiens, les Christmas cakes anglais ou allemands. C'était le fruit vert confit que l'on retrouvait dans toute cette pâtisserie. Ouais. Ensuite, la production s'est un peu cassée la figure. Ce fruit-là a été remplacé par d'autres fruits plus faciles à confire et moins chers. Et la production corse, notamment, s'est bien écroulée. Oui. Aujourd'hui, avec l'initiative de ces cultivateurs comme Xavier Kalidzi, ça remonte ou ça reste anecdotique, la culture du cédra en Corse ? Le marché reste petit quand même, mais oui. Il y a quand même certains producteurs qui ont replanté, hein, l'image de Monsieur Kalidzi au village de Barrette. Allez, j'ai eu la chance de visiter son verger quelques temps après la plantation. Alors, il avait fait un travail de titan. Il faut savoir que dans le Cap Corse, c'est une montagne qui descend dans la mer. Et donc, toutes les parcelles ce sont des terrasses en pierre sèche. Et donc, toutes ces terrasses avaient disparu sous la végétation. Il a tout remis en état, tout replanté, et c'est assez spectaculaire. Ouais, alors, ce serait peut-être le retour du cédra en Corse. Est-ce qu'on pourrait voir arriver sur nos tables de nouveaux agrumes dans les prochaines années? Des formes d'agrumes que l'on ne connaît pas encore, de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts? Alors, nouvelles saveurs, nouveaux goûts, peut-être, mais ce seraient alors des agrumes qui existent déjà dans la collection. C'est-à-dire qu'on a une telle diversité qu'on pourrait sélectionner des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui sur les marchés, mais qui existent déjà en production. En revanche, on risque d'avoir de nouvelles variétés qui seront pas aussi différentes que les autres, mais qui auront d'autres intérêts, comme par exemple de la clémentine qui va mûrir plus tard. La clémentine de Corse, normalement, début janvier, on arrête la récolte, donc il y aura peut-être de nouveaux hybrides qui vont être un peu plus tardifs. On trouvera peut-être des citrons verts résistants aux maladies, qui vont ressembler aux citrons verts que l'on connaît, mais qui seront de nouvelles créations variétales pour justement résister à la maladie du dragon jaune, qui est en train de décimer la production d'agrumes en Amérique du Sud et aux Antilles, par exemple. C'est le genre de demande très concrète que l'on fait justement au Conservatoire des agrumes de San Giuliano, en Corse. Trouvez-nous des solutions aux problèmes, les maladies, peut-être aussi le changement climatique auquel nous sommes confrontés? En fait, on est au cœur de ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'on a une diversité génétique pour essayer de proposer de la diversification aux producteurs corses et aux autres. Et on a ensuite aussi un programme de création variétale pour répondre à des demandes sociétales de soit de période de maturité ou de résistance à des maladies, voire changement climatique par rapport à de la qualité de la clémentine de Corse. Par exemple. Pour se quitter, vous auriez une recette originale à nous conseiller avec un agrume, original ou pas d'ailleurs? Je vais vous donner deux recettes, une corse pour mes origines et une espagnole pour ma femme. Ouais. Donc vous avez la première, c'est une recette très simple, la clémentine de Corse. Vous la coupez en deux, vous la mettez au congélateur. Et une fois qu'elle est congelée, vous la mangez la petite cuillère comme un sorbet. Ah oui. Et c'est très simple, tout le monde peut le faire. Ah oui. Et moi, j'adore. Et ensuite, une autre recette un peu plus originale qui est d'origine espagnole, qui s'appelle paparajotes. C'est des beignets de feuilles de citronnier. Si vous avez la chance de trouver des feuilles de citronnier, en fait, vous les lavez, vous les baignez dans une pâte à beignets. Et vous faites frire cette feuille enrobée de pâte à beignets. Ensuite, vous enlevez l'excès de gras, vous mettez du sucre en poudre dessus et vous mangez juste le beignet autour de la feuille. Vous ne mangez pas la feuille. Et là, vous allez avoir un parfum de citron particulier dans ces beignets extraordinaires. Ah, merci Franck Kurk, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci d'être passé nous voir dans Du Vent dans les Synapses. Merci à vous. Nous allons mettre sur la page de l'émission sur franceinter.fr les références des ouvrages à la rédaction desquels vous avez participé, dont celui que je citais, coécrit avec Anne-Sophie Pic, Agrumes aux éditions de La Maison. Un très bel ouvrage, très complet et qui pèse lourd. Je l'ai transporté dans mon sac. Merci Franck Kurk et bon retour à Montpellier. Merci à vous, au revoir. Ah bah d'accord, de Junior et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. Du Vent dans les Synapses, Daniel Fievé. C'est impossible, c'est infernal. J'ai fait 3 km en 10 heures, il m'en reste 2800. Il fait moins 45, je sens plus mes pieds. Je pense qu'il commence à geler. Bonjour Laurence de la Ferrière. Bonjour Daniel. L'extrait que nous venons d'entendre nous ramène 20 ans en arrière, en l'an 2000. Vous deveniez la première femme au monde à avoir traversé l'Antarctique en solitaire. À ce jour, vous êtes toujours la seule femme à l'avoir fait. Quel souvenir vous gardez de cette traversée 20 ans après ? Quand j'entends ce son, j'ai l'impression d'être projetée dans un univers dont je ne garde que les meilleurs souvenirs, c'est-à-dire la beauté des paysages, la relation improbable entre un être humain et un monde qui est totalement inhumain, qui ne veut pas de vous, qui n'a pas de place, qui n'a pas d'espace pour vous, et en même temps, la magie de trouver son chemin, mètre après mètre, et puis finalement d'accumuler des kilomètres et d'arriver un jour sur la côte. 20 ans après, vous semblez toujours irrésistiblement aimanté par les terres gelées de l'Antarctique. Vous avez participé à l'expédition Antarctique Explorer. Alors cette fois, vous n'étiez pas seul. C'était une aventure collective avec vous, navigateur, alpiniste, réalisateur et scientifique. Quel était le but de cette nouvelle expédition en Antarctique ? Le but, c'était vraiment de témoigner de ce qu'est l'Antarctique aujourd'hui, à la fois du point de vue écologique, est-ce qu'il y a de la glace, est-ce qu'il y a moins de glace, est-ce qu'il y a du vent, quelles sont les températures, d'un point de vue scientifique, concernant les bases en particulier. Et puis, c'était de communiquer avec des jeunes, entre 6 ans et 18 ans, dans le cadre du programme pédagogique qui a été mis en place par le Futuroscope. Et l'objectif, c'est d'apporter à ces jeunes des éléments dont ils puissent se servir à l'avenir pour poursuivre le travail, en particulier concernant l'environnement, la protection de la planète, et prendre conscience que le monde qui les entoure est absolument magnifique, mais qu'ils en sont responsables. Nous, on a fait ce qu'on a pu, on a fait aussi pas mal de bêtises, mais maintenant, on essaye quand même de prendre les devant pour faire évoluer les choses, mais on leur donne notre totale confiance pour ce qu'ils prennent en main la suite. Alors vous êtes parti le 19 novembre dernier de la côte argentine à bord d'un catamaran, évidemment conçu le plus écologiquement possible avec une propulsion très propre. Il y avait tout un chapelet d'îles sur votre parcours et évidemment aussi des conditions en mer difficiles. Hein. On le sait, ce sont les 40e rugissants, les 50e hurlants. La première nuit où je me suis retrouvée donc dans ma cabine, toute seule, avec les vagues qui frappaient la coque avec une force inimaginable, je me suis dit que c'était pas possible, que le bateau allait se disloquer. Ouais. Et donc, par habitude des expéditions et des situations dangereuses, j'ai commencé à me préparer, à m'équiper du gilet de sauvetage. Je suis allée chercher les combinaisons de survie et équipée de pied en cap, je sors de ma cabine. Et puis à un moment donné, arrive le capitaine qui vient vers moi, c'était minuit, et il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Alors je lui dis « je sais pas bien, et les conditions, t'en penses quoi ?» Il me dit « Oui, bon, ça, on est un peu secoué, mais il n'y a pas de problème. » Et il me dit « Mais tu prends ton carcan ?» À 5h du matin, et c'était minuit, il me dit « Mais t'es quand même vachement en avance. » Et comme je n'osais pas complètement décrire l'angoisse qui m'étreignait, je lui dis « Bon, c'est pas un problème, je vais aller me reposer. Ouais. » Et c'est vrai que le début a été assez violent. Alors avant d'accoster la fin du parcours sur la péninsule Antarctique, vous êtes passé par plusieurs îles, on le disait, et notamment l'île du Roi George. Nous sommes à 120 km du continent blanc dans l'océan Antarctique. Décrivez-nous cet endroit. Alors c'est un endroit assez incroyable, c'est pas très grand. Il y a une calotte glaciaire qui est bien moins grande que celle de l'Antarctique évidemment, donc ça fait partie des Shetland du Sud. Et il y a à peu près une dizaine de bases qui sont installées sur cette île. C'est-à-dire aucun habitant, aucun autochtone, seules des bases scientifiques de différents pays qui sont sur cette île. Exactement. Et en fait, dans l'enquête qu'on a souhaité mener à travers ces bases, c'était d'essayer de comprendre la réalité de ces programmes scientifiques et de rentrer en contact avec ces gens et d'essayer de les faire parler de ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, des relations qu'ils avaient avec les personnes qui étaient restées dans leur pays. Et on est arrivé à des discussions totalement incroyables qui feront l'objet d'un film dans quelques mois. Ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple, dans ces rencontres ? Alors, ce qui m'a marqué, c'est en particulier une base argentine, Esperanza, qui est donc vraiment à l'extrémité de la péninsule antarctique. Il y a des enfants qui sont nés il y a 40 ans dans cette base. Les Argentins, il faut savoir que les Argentins ont à peu près 13 bases en Antarctique. Et les familles entières viennent s'installer pendant un an, pendant l'année d'hivernage, pendant que le père ou la mère réalisent leur travail. Il y a une école, il y a des professeurs. Et en fait, il y a une vraie vie de village qui s'est installée en Antarctique. Et donc, c'est très touchant d'une certaine manière parce que les élèves qui passent une année dans ces conditions, quand ils rentrent sur le continent, ils deviennent les ambassadeurs de l'Antarctique et ils ont une vraie responsabilité par rapport aux autres enfants. Mmh. Quel type de recherches scientifiques sont menées dans ces bases ? Alors, il y a des bases qui sont situées près d'une colonie de manchots. À ce moment-là, c'est plus des recherches dans le domaine biologique. Ça peut être des recherches en ce qui concerne la glace, l'atmosphère. Et puis, certains font pas beaucoup de recherches. Ils se contentent d'ouvrir la base, de rester un mois, de prouver leur présence et d'en repartir. Et là, on se dit que c'est plus dans l'objectif d'une certaine revendication territoriale. Ouais. C'est particulièrement flagrant en ce qui concerne les Chiliens et les Argentins qui considèrent que l'Antarctique fait partie du continent sud-américain. Mais c'est aussi très particulier en ce qui concerne les Chinois et les Russes. Et dans votre mission à vous, pour revenir à votre périple, il y avait aussi une dimension scientifique. Hein, une biologiste vous accompagnait d'ailleurs. Vous avez effectué des prélèvements sur place ? Alors, on a effectué trois types de prélèvements. Donc la biologiste, en particulier Hélène Dubrasquet, qui travaille au Chili et qui travaille sur les algues de la zone antarctique et subantarctique. Donc elle essaye de rechercher un certain type d'algues pour essayer de voir est-ce qu'il y a une colonisation, une nouvelle colonisation de cette zone. Évidemment, on n'a pas les résultats hein, parce que ça prend plusieurs mois. Il faudra analyser tous les échantillons que vous avez prélevés. Exactement. Après, j'ai fait des prélèvements de neige, comme j'avais fait à l'occasion de mes traversées. Et Éric Loiseau a fait des prélèvements d'eau de mer pour mesurer la concentration en microplastique. Ouais. Donc, Je veux dire, c'est pas nouveau, hein. C'est simplement qu'on apporte une pierre à l'édifice de la connaissance de ce qui se passe dans le monde, y compris dans ces zones qui semblent être totalement inaccessibles et qui pourtant sont polluées. Laurence de la Ferrière, votre façon d'explorer le monde a-t-elle changé? Vous avez gravi les plus hauts sommets de la planète, vous avez traversé l'Antarctique, on l'a dit, vous êtes la seule femme à l'avoir fait. À cette époque, vous étiez davantage tournée vers l'exploit, le dépassement de vous-même. Aujourd'hui, vous voulez ajouter du sens à vos expéditions? Oui, clairement. Il y a une période de ma vie où j'avais vraiment besoin de me prouver à moi-même ce dont j'étais capable. Je parlerai pas d'exploit, mais je parlerai de performance. J'étais investie d'une immense curiosité et j'avais toujours envie de voir ce qu'il y avait derrière l'horizon. Mais c'était une démarche très personnelle. Et c'est vrai que maintenant, je suis revenue à une démarche très collective et l'objectif, c'est de partager. Et c'est en particulier le programme qu'on mène avec le Futuroscope qui rentre dans ce cadre. Et j'éprouve, je dirais, presque autant de plaisir que ce que j'ai pu vivre en solitaire. Merci, Laurence de la Ferrière. Merci. J'indique que votre précédent ouvrage, Seul dans le vent des glaces, paru chez Robert Laffont, raconte justement cette traversée en solitaire de l'Antarctique. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Un mot aussi à vous, amis auditrices et auditeurs, pour vous dire que toute l'équipe prend beaucoup de plaisir à lire les nombreux messages que vous nous laissez sur la page Facebook du Vent dans les Synapses ou sur franceinter.fr. Dans une poignée de minutes, nous aurons le plaisir de recevoir le paléo-anthropologue Pascal Pic. Avec lui, nous allons revenir sur la grande histoire de l'humanité et nous allons nous intéresser au futur de notre espèce.